parapluie. Rembat ton paratonnerre, tes parades militaires, vestiges d'une autre ère, pauvre ère. En route vers le néant, moi l'homme sans nom à la recherche du soleil levant. Sorti les pieds devant, de la chambre froide, la petite escapade s'est vite changée en cavalcade. Être difforme, patchwork que de barbac, d'entrée classée parmi les monstres qu'on aimerait voir dans un sac. Ici commence la traque de mes ex semblables, déterminés à désassembler ce qu'ils considèrent comme œuvre du diable. Aucun de n'est fiable, ils clouent des chats noirs à leur porte. Tués au nom de Dieu, l'obscurantisme des cloportes. Leur cohorte, des gens soi-disant bien pensants, dévorés par leur dévotion. Au nom de la foi, et tuer père et mère sans exception. À squatter les égouts, j'en ai tiré cette conclusion. La merde reste la merde, qu'elle sort du cul d'un saint ou du dernier des démons. Pour ma part, mon existence est un blasphème, je remets en question l'essence même de la nature humaine. Ma farce est terrible, mais loin de ce qu'ils cachent dans leur cœur. La répulsion de l'inconnu, conséquence de leur peur. L'ignorance est un fléau, est-il prélassé, un péché capital. Les plus promptes à juger ne valent rien de façon générale. L'origine du mal, la créature ou son créateur. Celui qui n'a pas demandé à naître crache à la face de son géniteur. La solitude pour seule compagne, je ne sors qu'à la nuit tombée. Dans les rues comme un fantôme, derrière moi une odeur de macabre. J'essaye d'en apprendre plus sur mon sort. Une batterie dans ma poitrine alimente l'intégralité de mon corps. A priori immortel, j'ai toute éternité pour souffrir. Chaque morceau de chair, son histoire, je les entends parfois gémir. Mon cerveau en quête de souvenirs tourne à vide. Que des packs de flashbacks sans cohérence, je n'ai qu'à me tourner vers l'avenir. Chaque jour un nouveau challenge. J'en ai déjà cassé des têtes, on dirait presque que ça les arrange. La proie a fini par devenir le prédateur. Je suis la cause numéro 1 de la mort des inquisiteurs. Ils ne lâcheront rien, je suis fatigué de courir. Point qui tombe, ils reviennent à 10 à croire qu'ils sont pressés de partir. Détruire une idée, autant se battre contre des moulins à vent. Je ne suis pas Don Quichotte, juste l'expérience ratée d'un savant. Je suis l'homme sans âme, pour l'église une abomination. J'ai pourtant plus de compassion que 90% de leur congrégation. Je suis l'homme sans nation, sans maison, le croque-mitaine. Qui est le monstre, celui qui tire ou celui qui saigne? Je suis l'homme sans visage, miroir brisé aux mille reflets dans lesquels chacun se reconnaît. C'est pour ça que l'on me hait. Je suis l'homme sans nom, pour qui chaque jour c'est la castagne. Une seule identité connue, celle de mon père, Dr. Frankenstein.